Ngere. Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Il est 18h dans les studios de la Radio Sanganilo. C'est le moment de suivre le journal à langue française dont voici les principaux titres. Le Burundi a déjà perdu plus de 30 millions de dollars comparé aux pays de la sous-région, dont le Rwanda, au cours de l'année budgétaire 2022-2023. Une révélation qui a été faite vendredi par la commission en charge du suivi et du contrôle de ce secteur. Le 5 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des sages-femmes et au Burundi, certaines femmes de la province Gitega et Bubanza plaident pour plus d'informations sur la santé sexuelle et reproductive. Et la Fédération burundaise de basketball burundais s'est dotée des nouveaux organes depuis ce samedi. Les spécialistes dans le domaine des sports appellent la nouvelle équipe à la priorisation de l'image du basketball burundais et aussi à l'assainissement des relations avec les autres organisations internationales. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Encore une fois, bienvenue dans ce journal mis en onde par Alphonse Kugimana. Le Burundi a déjà perdu énormément en ce qui concerne l'exportation du café comparativement aux pays voisins, alors qu'il a un office chargé de développement de cette culture. Il a été dit vendredi en réunion tenue par le président de la République du Burundi avec les intervenants dans cette filière en province Ngozi. Liberan Fumukeko, président de la commission mise en place pour le suivi, contrôle et évaluation, a précisé qu'au cours de l'année budgétaire 2022-2023, le Burundi a déjà perdu plus de 30 millions de dollars comparé au Rwanda. Il a en outre indiqué que des stocks de café non vendus par le DK et de l'engrais ont été également constatés. On l'écoute et traduit en français par Alain Désiré Goukenet. Barabonye yuko mu byukuri bishika kenshi gasanga hari abantu baje hagati y'amatonorero bagaca b'intercepta. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui trompent la population en disant que le café de cerise A qui coûte 1380 francs est plutôt de cerise B de 690 francs burundais. Vous comprendrez que les populations victimes perdent 690 francs, donc une perte de 50%. Nous avons également constaté que le prix du café burundais est plus bas en comparaison avec les autres pays. Ainsi, au Rwanda, la campagne 2022-2023, plus de 20 000 tonnes ont coûté 116 millions de dollars. En les comparant avec le café burundais en raison de son prix, nous constatons une différence de 2,2 kg. En multipliant cette perte de 2,2 avec la production de l'année passée, 14 000 tonnes, on encaisse une perte de plus de 30 millions de dollars. Dans les usines de transformation du café, nous avons trouvé une production qui est délaissée, ce qui occasionne davantage des pertes. Le constat a été que les usines ne savent pas exactement la quantité du café produit. Nous leur avons demandé où est-ce que vous trouvez ces chiffres véhiculés dans les rapports. Tant que vous ne savez exactement les quantités de stock. Ils nous ont indiqué que les chiffres sont fournis par les démarcheurs. Le constat a été que le service de l'ODK, en charge de suivi de ce qui est lié aux fertilisants, ne fonctionne pas normalement. Nous leur avons mis en garde que si ces fertilisants dépassent le mois de juillet sans être utilisés, ils seront hors usage. Et sur ce, le chef de l'État a annoncé que des responsables de l'ODK vont bientôt être traduits devant la justice. Au cours de cette même réunion de vendredi, à l'occasion des intervenants dans le secteur du café, le président burundais a précisé que des acheteurs du café qui n'ont pas d'ici une année au moins 20 hectares de champs seront rayés de la liste. On l'écoute et traduit en français par Alain Désiré Moukenet. Commissionnaire, avant de parler de Comment se fait-il que tu te dises que tu interviens dans le secteur alors que tu ne sais même pas comment se cultive le café? Des commissionnaires qui s'enrichissent sans avoir travaillé. Nous allons les poursuivre et je vous donne une année. Au bout d'une année, si vous n'avez pas au moins 20 hectares de caféiers, il faut quitter le secteur du café immédiatement. C'est du vol parce que vous ne savez même pas ce qu'endure le caféiculteur, ni le coût de production. Je croyais que l'agriculteur devrait recevoir 15 000 francs burundais sur le café perche. Par exemple, si la berbe encaisse 10 dollars par kilo, quid du producteur? Tu lui donnes au moins l'équivalent de 8 dollars. Tu extrais juste les frais administratifs. La mise en place de cette commission, c'est comme on a fait une semaine témoin avec les marchés, on fait une année témoin. Elle vient pour décortiquer, faire une étude et trouver où est le nœud du problème. Cette commission va tout faire et au bout d'une année, vous aurez à dire. Ceux qui sont au travail, allez-y, continuez. Pour le DECA, ne croyez pas que cela va passer inaperçu. Vous devrez rembourser cet argent. Ça ne marche pas comme ça. Je le dis haut et fort ici. Vous êtes traduit en justice immédiatement que l'inspection générale du travail confectionne le dossier. C'est devant la justice, l'un ou l'autre, c'est vous ou c'est moi qui aura gain de cause. C'était le président burundais Evariste Ndayishimiye. Et dans la suite de ce journal, Sandra Mohoza, journaliste de la Nova Burundi, est toujours détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Les informations fournies par ses avocats indiquent qu'elle est toujours poursuivie pour deux infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. De sur ses proches de sa famille, et son employeur précise que Mohoza venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations. Également, comparution jeudi de la semaine du journaliste Kenny Claude Ndouimana devant le tribunal de grande instance de Mukaza, détenu à la prison centrale de Mimba depuis l'année passée au mois d'octobre. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024. Et pour cause, son co-accusé dans cette affaire, Medad Mouhiza, qui a été libéré provisoirement, ne s'est pas présenté pour l'audience. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, tout en vous rappelant que vous suivez la radio Isanganiro qui émet depuis Bujumbura, la modulation de fréquence sur 89.7 MHz, alors qu'à l'intérieur du pays, vous nous captez sur 101 MHz. Les femmes de la colline Rutegama, commune et province Gitega, se réjouissent que les femmes de cette localité qui accouchent doivent se rendre à une structure de soins. Elle demande que les effectifs des sages-femmes soient augmentés là où ils sont insuffisants. C'est au moment où, le 5 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des sages-femmes. Gérard Nibigil. Rosette est une femme, mère de trois enfants de la colline Rutegama, commune et province Gitega, qui dit qu'à cette colline, il n'y a plus de femmes qui accouchent encore chez elle et que plutôt toutes les femmes de la dite colline se rendent à une structure de soins pour accoucher. Elle conseille aux femmes des autres coins du pays qui accouchent encore chez elles de mettre fin à cette habitude afin de se rendre dans un hôpital ou centre de santé le plus proche pour tout accouchement et consultation pré- et post-natale. De son côté, Sabimana Jani de la même colline et mère de deux enfants se réjouit de l'accueil chaleureux que les sages-femmes ont manifesté envers elle lors de ses deux accouchements, expliqua qu'ils l'ont bien traitée dès son arrivée à la salle d'accouchement jusqu'à son retour chez elle et les remercie infiniment. Quant à lui, Abonimana Clément de la même colline Rutegama fait savoir qu'il entend souvent qu'à l'une ou l'autre structure de soins, les femmes qui viennent pour accoucher passent quelques temps sans être reçues suite à l'insuffisance des sages-femmes D'autant qu'il demande que le nombre de sages-femmes soit augmenté dans des secteurs de soins où ils sont encore en nombre insuffisant. Même son de cloche pour Savimana Janine qui explique que cela permettrait l'amélioration de la santé des femmes qui accouchent. Vous saurez cependant que tous ont signalé qu'ils ignoraient l'existence de la journée mondiale dédiée aux sages-femmes et que le monde célèbre le 5 mai de chaque année. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Merci Gérard Nibigira et Abou Banza. Le taux d'adhésion au poste est partout, mais est inférieur à 1% dans la province de Boubanza et les femmes enregistrées dans les centres de santé qui se confient aux méthodes contraceptives se comptent à moins de 10% selon les responsables sanitaires. Cela étant, certains habitants de Boubanza demandent qu'ils soient plus informés sur la santé sexuelle et reproductive. Spes Caritas Cabagnan. Certains habitants de Lugazi contactés affirment qu'ils n'ont pas assez d'informations sur le planning familial. D'autres disent qu'ils ont peur d'éventuelles conséquences de ces méthodes contraceptives, même si les responsables sanitaires tranquillisent. Docteur Joël Vigilimana, médecin directeur de la province sanitaire de Boubanza, dit que le taux d'adhésion est trop bas. Si on regarde alors pour les 4 mois qui s'écoulent, le taux d'acceptation des méthodes contraceptives, on est au niveau de la province entre 20 à 22% chaque mois. Vous voyez que ces taux sont très très inférieurs aux cibles d'IPNSR qui sont autour de 42%. Et si on regarde, donc le ministère de la Santé publique aussi s'est engagé de mettre en vendre la méthode contraceptive en poste partout. Mais ici, si on regarde donc les taux que nous avons, on a des taux qui sont inférieurs à 1%. Alors, comme message donné à la population, donc c'est de sensibiliser la population et s'y impliquer les hommes et de soutenir leurs femmes, surtout ce qui est donc de la planification familiale, pour que ces femmes puissent adhérer et aux méthodes contraceptives et surtout en poste partout. Au niveau de l'administration, on précise qu'on est toujours dans des séances de sensibilisation. Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Gihanga. Nous lançons un appel vibrant à la population d'adhérer à la planification familiale, surtout à mettre au monde des enfants dont ils sont capables de supporter dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire des enfants dont ils sont capables de nourrir, de scolariser et d'apporter des soins de santé et ainsi de suite. Donc ils sont capables d'apporter tout le nécessaire. Et parce que nous avons vu des gens qui ont beaucoup d'enfants, vous allez rencontrer qu'ils sont incapables effectivement de les élever jusqu'à l'âge adulte et ces derniers vont devenir des enfants doris et vont abandonner l'école et vont devenir des voyous et des bandits et des problèmes au niveau familial s'enregistrent, se multiplient, et surtout des conflits fonciers, ainsi de suite. Donc, nous lançons un appel vibrant à tout le monde de pouvoir vraiment comprendre le message des leaders qui ne se sont pas donné lancer, afin vraiment de faire une planification familiale. Les autorités administratives reconnaissent cependant les activités de l'association Twite Zimbere qui contribue dans la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive dans l'optique de la planification familiale. Spes Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Et sur ce, plus de 2000 sages-femmes qui travaillent dans le domaine de la santé reproductive n'ont pas dit travail, mais seulement plus de 400 ont été embauchées dans différents hôpitaux publics et privés. Auguste Harushimana, représentant de l'Association des sages-femmes au Burundi, explique que ce chiffre est encore trop bas au moment où ces personnes sont nécessaires dans les structures de soins. Il a dit à la veille de la célébration de la journée dédiée aux sages-femmes, célébrée le 5 mai de chaque année. Pour clore cette édition, parlons du sport. La Fédération burundaise de basketball, FEBABU, n'a pas encore été notifiée officiellement sur les sanctions qui ont été prises par la Fédération internationale de basketball, FIBA, de suspendre provisoirement les activités de la dite fédération. Cela a été dit ce samedi par le nouveau président de la FEBABU, Claver Hachimana, après avoir été élu par l'Assemblée nationale. Toutefois, il indique que parmi ses priorités se trouve le développement du basketball féminin. On l'écoute. Nous sommes actuellement suspendus, mais temporairement. C'est une suspension temporaire. Et nous espérons que la suspension ne durera pas beaucoup. C'est la raison par ailleurs que nous avons tenu l'Assemblée générale extraordinaire. Nous sommes confiants et nous sommes sûrs, même si nous n'avons pas encore reçu la correspondance de la FIBA pour nous signifier les sanctions qui ont été prises lors de l'Assemblée générale de la FIBA tenue en date du 25 avril. Nous sommes confiants, nous sommes sûrs que les sanctions ne seront pas très exorbitantes ou très énormes pour nous empêcher à faire les compétitions locales. Pour le basketball féminin, vous avez vu, ça a été une question à la table, elle a été soulevée et nous y avons réfléchi. Et la première chose, c'est que le basketball féminin est laissé aux femmes, ce qui constitue vraiment un handicap à son évolution, à son développement. Et après échange, on s'est entendu que le basketball féminin doit être une préoccupation non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Ça, c'est la première recommandation qui a été émise lors de l'Assemblée générale. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut voir comment organiser les tournois dans les milieux féminins. Et là, nous avons parlé notamment des milieux scolaires, nous avons parlé des associations des provinces. Donc, nous avons suggéré et nous avons recommandé aux associations d'organiser chaque fois des tournois ou des compétitions en faveur des écoles qui pourraient avoir des filles ou des jeunes filles pour qu'on puisse détecter les talents dans ces écoles et en fait voir comment on peut constituer des équipes féminines. Parce qu'actuellement, nous n'avons que 5 équipes féminines. C'était Claver Hachimana, nouveau président de la Fédération Burundaise de Basketball, FEBA Bouin. Réaction, Célestin Mvutsebanga, enseignant à l'Université du Burundi dans l'Institut des Sports, IEPS, prouvait que la nouvelle équipe à la tête de la Fédération Burundaise de Basketball doit redorer l'image de ce sport. Également assainir les relations entre la FEBA Bou et les autres organisations internationales. Suivez. On comprend qu'il va y avoir un comité dynamique, rempli d'expérience, mais aussi rempli de dynamisme. Et il y a encore 3 points à souligner, peut-être qui seront les premières missions de ce comité. Notamment, il s'agit de redorer l'image du basket burundais qui était en voie de disparition. Deuxième chose, c'est après avoir redoré l'image, il faut donner l'espoir à la jeunesse. Effectivement, la jeunesse burundaise qui pratique le basket. Apparemment, il y avait le désespoir au niveau des jeunes basketteurs burundais, vu que la situation dans ces derniers jours était une situation alarmante. La troisième chose, c'est de mener une collaboration entre les instances internationales, surtout la FIBA, le ministère et le Sénat. Et tout cela, je crois que ce sont les premières missions urgentes que le nouveau comité exécutif et les différentes commissions qui ont été approuvées vont mettre en place dans l'urgence pour donner l'espoir du développement de basket au Burundi comme c'était avant la crise qui vient de secouer cette institution de basket au Burundi. C'était Célestin Vutsebanga, enseignant à l'Université du Burundi dans l'Institut des Sports, IEPS, au Burundi. Ainsi, ça referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans la présentation, vous étiez avec Placide Niamongele, qui vous souhaite une bonne soirée dominicale à tous. Au revoir.